Je remercierai jamais autant ceux qui me sortent du trou, ceux qui peu importe vont venir me dire manque jamais ton cou, ceux qui m'ont vu sniffer des lignes, pas juste peu mais beaucoup. Ma mère m'a toujours dit qu'il faudrait peut-être que je lâche la broue, se sortir de la coke, c'est pas ce qui est le plus facile. D'avis on est tous un peu broke, j'vois pas de piste ni d'île. Se sentir à l'abandon, ça c'est pas ce qui est le plus normal. Quand tu dérapes comme un gond, tu vois juste des pentes fatales. Et oui je parle à moi-même parce que quelque part je m'aime. Faut compter sur ceux qui comptent sur toi, je demande pas de débat. Ceci est mon barème, mais non je n'ai pas la flemme, c'est pas la première fois que je me bats juste pour les bons résultats. Le temps avance en flèche, je vois qu'à mon âge j'ai rien, mais j'ai pas besoin de flex, t'agis tout pour être bien. Dans la tête j'ai des flammes plus fort que des acariens. Je dirais à tout le monde ouais, parce que j'suis un gars trop fin. Yo. J'ai traversé des bouts durs pis j'ai été méchant. Jamais je m'y fais de Cooper, même si je remonte ma tête. Toujours été dépensier, oui pis ça me fait chier. Je marque sur le calendrier quand j'ai pas consommé. Dépendant sa cigarette, j'ai d'autres attentes et pas prête. Moi je suis un interprète, j'ai tout ce qui me passe par la tête. La bière n'a plus fini, oui c'est ça mon élixir. Au gros ça va me faire grossir pis je serai pas prête à séduire. Trop de pensées noires qui me viennent quand je pense au passé qui mène, au trajet qui me transcrivent. Plus profond de mes orbites, wow. J'ai été loin, c'est peut-être trop de drogue qui me fait voir le plus pensif de mon choix. J'suis un humain, pas un inventaire, mais tu me vois de loin, j'suis comme un portail. Je suis très bien, c'est comme un travail, comme Donny au crétin médaille. Cache mal pas, c'est pas pour rien tomber au bol, passer c'est pas mien, souris, pis regarde vers le ciel, y'a plein de belles choses qui t'émerveillent.